J'ai commencé le rap à 13 piges. Jeune et ambitieux, fier. Des phrases de merde que je gratte après le cycle. Moi je viens pas de la Tessine, non, non. Man, à vrai dire, je viens de 3 nets. Donc impossible de jouer Lascar terrible. Mais c'est pas grave, j'écris même de banal récit. J'ai même pas mué, mais je me dis que ça est pas très. Les filles, je balance des faces pas terribles. Je dirais même grave, pathétique. Heureusement, par la suite, j'évoluerai grâce à l'équipe. Check, j'avance dans ce milieu qu'un tas de gars méprise. Mon papa me réplique, y'a ne croit pas que le rap ça fait vivre. Mais je lâche pas le délire, l'impression de sauter dans un trou sans fond. Même si je tourne en rond, comme dans les 3, garde mes titres. Bref, même si on me traite de bras cassés, je kick plus tard. Certains grands me diront qu'il y a de la technique nulle part. C'est ma destination, je lâche des punchs que je débite à fond. Ouais. Ce foutu rap, j'arrive pas à me passer de lui et je pense qu'à fracasser le beat. Mais je me dis que je peux mieux faire, peu fier de moi. Quand j'ai pas taffé le titre, les anciens partagent mes clips. Yes, c'est fini les bugs ou quand j'appelais à l'aide, on me disait parle après le bip. Moi c'est gueule blanche, tu me vois venir de loin, compris. Je veux qu'on m'admire comme la toile d'un artiste peint. Ça y est, je me lance. Casse-moi pas les couilles, fais pas genre que t'apprécies le taf. Si tu parles mal après coup, je répète, c'est gueule blanche. La zig me tient, genre du ventre de ma mère. Je peux pas dire que je suis parti de rien, je tente ma seule chance. Malgré des passages assez flous, voilà mon premier album que je partage avec vous. Pendant que les gens marteaux enfoncent le clou, moi je serre la vis. Que faire de ma vie, cette question ne me fait pas rire. Et j'avance loin de leur tête d'affiche, je reste libre dans mes baskets. Je sors le soir des textes de pile dans les casques. J'ai 14 ans de la technique, j'en ai pas et je fais le pitre dans mes tracks. Je rêve de vivre dans les backstage. Ça freestyle entre potes, d'ailleurs heureusement qu'ils sont là pour faire le feed quand j'ai le tract. Moi je veux percer mais pareil que je suis pété d'y croire. À cette époque je prends des ailes, je m'envole grâce aux dédicaces. C'est délicat, mes premiers sons me permettent de rire, c'est déjà ça. Très très loin des grosses tueries de braco que Mix et Nevada. Et je fais que kicker mes rafales. Mais à l'époque je suis pas majeur, j'ai pas de backer. Qu'un grand frère qui vaut tout leur manager. Je m'éclate gros, j'ai envie de faire du vrai rap. Je m'évade grâce aux messages des matos, mes sentinelles. On sait jamais, j'attends qu'on paye sa mère. Certains sont riches dans ce milieu, alors ce qu'ils font c'est de la merde. Ce qui est con c'est que j'avais du potentiel à l'école, mais j'écoutais pas les profs, juste les conseils de passing. Moi c'est gueule blanche, tu me vois venir de loin, compris. Je veux qu'on m'admire comme la toile d'un artiste peint. Ça y est, je me lance. Casse-moi pas les couilles, fais pas genre que t'apprécies le taf. Si tu parles mal après coup, je répète, c'est gueule blanche. La zig me tient, genre du ventre de ma mère. Je peux pas dire que je suis parti de rien, je tente ma seule chance. Malgré des passages assez flous, voilà mon premier album que je partage avec vous. Putain, j'ai vu des types s'égarer. Mais moi, j'ai pas changé depuis l'équipe des cramés. Très sarcastique, Genève. Yeah, SCP, yeah. Moi c'est gueule blanche, tu me vois venir de loin, compris. Je veux qu'on m'admire comme la toile d'un artiste peint. Ça y est, je me lance. Casse-moi pas les couilles, fais pas genre que t'apprécies le taf. Si tu parles mal après coup, je répète, c'est gueule blanche. La zig me tient, genre du ventre de ma mère. Je peux pas dire que je suis parti de rien, je tente ma seule chance. Malgré des passages assez flous, voilà mon premier album que je partage avec vous.